vous saluons ce soir au nom précieux de Saint Jésus-Christ. Nous sommes dans la joie de venir dans la présence de Dieu. Et nous nous pour la prière. Seigneur notre Dieu. Père éternel. Baba wa milele, toi qui es, qui était, qui vient, wo ulikuwa uko na utakuja, nous te disons merci. Tunasema asante. Merci pour l'occasion de venir dans ta présence. Asante Dieu aibati ya kwa muwepo wako. Il n'y a pas meilleur moment que ce moment. Hakuna wakati mzuri ya kushindia hii. C'est pourquoi nous avons besoin de ta miséricorde. Kwa maana tunahitaji rehema yako. Et de ta compassion. Na buluma bwako. Parle à nos cœurs. Useme na mioyo yetu. Agis. Utende. Au travers de ta parole. Kupitia neno lako. Vivifie ta parole dans nos âmes. Ulete neno lako kwa bujima munafsi yetu. Bénis cette réunion ce soir. Ubariki mkusaniko mangaribi ya leo. Prends la première place. Uchukue fazi ya kwanza. Voulons quitter ici. Tunapenda mkutoka hapa. Que nous puissions dire. Tupate kusema. Il était bon d'aller dans la présence de Dieu. Ilikuwa mzuri kwenda muwepo wa Mungu. Béni le berger. Ubariki mchungaji. Fortifie le Seigneur. Umutie nguvu Bwana. Béni les associés, les diacres, tout le monde. Wafuasi, washemasi na wote. Qui travaillent d'une façon ou d'une autre dans cette église. Benye kutumika naona moja na ingine mwikanisa. Nous nous remettons à toi. Tunariachiria kwako. Prends la première place. Uchukue fazi ya kwanza. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mujina Bwana. Jésus Christ. Amen. Amina. Nous pouvons lire dans Ésaïe chapitre 6. Tout à ce moment, Isaïe sura yake ya sita. Ésaïe chapitre 6. Isaïe sura yake ya sita. L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Mwaka wa kufa kwa mfalme Ozia, naliona Bwana mwenye kuketi pakiti yake ya enzi ya juu kabisa. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Na nchongo ya kanzu zake iliala ekalu. De séraphins s'étaient au-dessus de lui. Wa serafimi walikuwa yulu yake. Ils avaient chacun six ailes, dont deux dont ils se couvraient la face, deux dont il se couvrait les pieds, deux dont il se servait pour voler. Walikuwa kila mmoja na mavao sita, mbili ile walifunika uso, mbili ile walifunika miguu, na mbili ile walikuwa natumia kwa ajili ya kuruga. Il criait l'un à l'autre et disait: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Walikuwa nalalamika mmoja kwa mwingine na kusema, mutakatifu, mutakatifu ni wa milele wa majesi, na dunia mzima inayala na utukufu wake. Le porte fut ébranlé dans leur fondement par la voix qui retentissait, la maison s'est remplie de fumée. Milango ikatenka mubitingizio yayo na misingi yayo kupitia sauti ile ilikuwa nalalamika. Na nyumba ikayala na moshi. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armes. Basi nikasema, ole wangu mimi napotea, kwani niko mtu wa midomo ya buchafu. Niko na keti katikati ya taifa yenye kwa na midomo ya buchafu. Lakini macho yangu inamuona mfalme wa milele wa majesi. Mais un des séraphins vola vers moi tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des princesses. Lakini mmoja wa serafini akaruga kuja kwangu mwenye kushika kumkono jiwe ila alichugua na mankanya pale pa zaabu. Il a touché ma bouche et dit: ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. Akagusa kinywa kyangu na kusema. Akagusa kinywa kyangu na kusema. Mido. I, inagusa midomo yako. Hii inagusa midomo yako, uofu yako inaondolewa na dhambi zako inaondolewa. J'ai entendu la voix du Seigneur qui disait, qui enverrai-je qui marchera pour moi? Nikasikia sauti ya Bwana ilikuwa niambia, nitatuma nani? Nani ataenda kwa ajili yetu? Je répondis, mais voici, envoie. Nikajibu, mimi huyu unitume. Que Dieu ajoute ses bénédictions à l'étude de sa parole. Bwana ongeze baraka kusomi wa neno lake. Nous parlons encore sur l'influence. Tungari nasemea tena yulu ya uvuto. Hier nous avons vu que le jeune roi, le roi Ozias. Jana tuliona kwamba mfalme Ozia kiana. Il avait commis une erreur. Alitenda kakosa. C'était un homme qui était béni de Dieu. Alikuwa mtu mwenye kubarikiwa na Mungu. Nous pouvons dire que c'était un chrétien intègre. Tunawezi kusema ni mkristo wa kunyoloka. Un homme qui cherchait la volonté de Dieu dans toutes ses voies. Mtu alikuwa anatafuta mapenzi ya Mungu mwa njia yake yote. Mais lorsqu'il était maintenant béni de Dieu. Alakini wakati ile alibarikiwa na Mungu. Il a commencé à se sentir en sécurité. Akaanza kujiona kuwa katika ukingo. Il a commencé à penser qu'il pouvait faire n'importe quoi, Dieu allait le laisser faire. Akaanza kujizania sema nawezi kufanya izuru vitu gani na Mungu atamuacha vile vile. Au lieu de rester au poste où Dieu l'avait béni. Pari ya kubakia pafazi ile Mungu alimbarikia. Parce que Dieu l'avait béni comme roi. Kwani Mungu alimbariki sawa mfalme. Il est allé dans le temple de Dieu. Lakini yeye alienda mwekalu ya Mungu. Il avait pris l'ascensoir. Akachugua mbabula. Il est allé vers l'hôtel de parfums. Na kwenda kwa mazabu ya manukato. Et il voulait brûler les parfums. Alipenda chome manukato. Ce qui n'était pas son travail. Il a ikukwe kazi yake. C'était un travail réservé aux Lévites. Ilikuwa ni paka kazi tu ya Walawi. Aux fils d'Aaron. Ya watoto ya Aruni. Le souverain sacrificateur Azaria et 80 d'autres sacrificateurs. Mkuani mkuu Azarias pamoja na bakuani makumi munane. S'avancèrent de lui dire, roi, tu ne dois pas faire ça, ce n'est pas ton travail. Walimkaribia na kumwambia mfalme hawezi kufanya ile aina kazi. La parole de Dieu ne te donne pas droit de le faire. Neno la Mungu haikuruhusu wewe ufanye vile. Mais lui s'était énervé. Lakini yeye alisirika. Il s'était fâché. Akasirika kabisa. Mais il pouvait dire qui êtes-vous pour me parler ainsi? Aliwezi hata kusema mwe mko banani. Vous ne savez pas que je suis roi? Amujua kwamba niko mfalme? Dieu l'a frappé. Mungu alimpiga. Il a lèpre. Naripata ukoma. Qui est un type du péché. Yenye kwa picha ya zambi. Un type de l'incrédulité. Picha ya kutokuamini. Et il est, lui-même avait vu que Dieu l'avait frappé. Yeye mwenyewe alitambua kwamba Mungu alimpiga. Il s'était hâté de sortir. Ajarakisha na kutoka nje. Et il est mort en dehors de la ville. Alikufia nje ya mji. Lépreux. Mwenye kwa na ukoma. Amen. Amina. Et nous avons vu que l'arrogance précède la ruine. Tuliona kwamba kiburi wala majivuno natangulia kuharibika. Et l'orgueil la chute. Na kiburi natangulia kuanguka. Et nous avons vu que nous devons marcher dans l'humilité devant la parole de Dieu. Tuliona kwamba tunapaswa kutembea katika unyenyekevu mbele ya neno la Mungu. Nous devons toujours accepter la correction de la parole de Dieu. Kila mara tunapaswa kuitikia kunyoloshiwa kwa neno la Mungu. Mais le roi Ozias a refusé la correction de la parole. Lakini mfalme Ozia alikataa kumnyolosha kwa neno la Mungu. Son influence était détruite. Uvuto wake iliharibika. Et son témoignage était tombé là-bas. Na ushuda yake iliangukia pale pale. Et nous avons vu quel que soit grand le témoignage que l'on peut avoir. Na tuliona kwamba haizuru kama kuna ushuda mnene ya namna gani. Il faut que ce témoignage demeure. Nina pashi le ushuda ipate kuendelea. Amen. Amina. Et nous avons vu que vous devez toujours garder votre position là où Dieu t'a établi. Na tuliona kwamba kila mmoja anapashi kuchunga fazi yake ile Mungu alimweka. Ne cherchez pas à prendre la place de quelqu'un d'autre. Usitafute kuchukua fazi ya mtu mwingine. Dieu t'a ordonné dans la position où tu te trouves. Mungu alikuweka mwile fazi ile unapatikana. Il faut rester authentique. Na pashi ubakie paka vile wazi. Ne cherchez pas à être ce que Dieu n'a pas fait de toi. Usitafute kuwa kile Mungu asikukufanye. Restez comme tu es et à la position que Dieu t'a établie. Mais lorsque vous quittez votre position et vous voulez faire un travail pour lequel tu n'as pas été établi par Dieu, vous devez assumer des conséquences. Utapata matokeo ya mbaya. Vous devez subir des conséquences. Manake utavumilia ile mateso. Peu importe combien Dieu l'avait béni. Aizuru mara ngapi Mungu alimbariki. Il en a subi les conséquences. Lakini alipata matokeo yake. Amen. Amen. Et le jeune prophète Isaïe. Na ukiana nabii Isaya. Il s'était beaucoup appuyé sur ce roi. Alimutumainia sana huyu mfalme. Il était pour lui un exemple. Kwake yeye huyu mfalme alikuwa ni mfano kwake. Parce que ce roi avait marché avec Dieu. Kwani huyu mfalme alitembea pamoja na Mungu. Il obéissait à la parole de Dieu. Alikuwa anatii neno la Mungu. Et pour Esaïe, c'est un exemple pour lui. Mbele ya Isaya huyu mfano alikuwa ni mfano kwake. Des fois Dieu enlève les appuis. Kila mara Mungu yuko na tosha mategemeo. Nous ne devons pas nous appuyer sur un homme. Hatuwezi kutegemea mtu. Quelle que soit la façon Dieu l'a béni. Hata aizuru namna gani ile Mungu anambariki. Un homme est faillible. Mutu yeye ni paka wa ukotola. Alléluia. Amen. Qui qu'il soit. Akuwe nani wana nani. Prédicateur. Mubiri. Qu'il soit pasteur. Akuata pastori. Qu'il soit diacre. Akuata shemashi. Qu'il soit un bon chrétien. Akuata mukristo mwema. Qui est resté longtemps dans l'église. Ulanabakia munda mrefu mukanisa. Ne vous appuyez pas sur lui. Usimutegemeye. Dieu des fois enlève les appuis pour que nous nous appuyions seulement sur lui. Alléluia. Amen. On ne doit même pas s'appuyer sur l'église. Alléluia. Amen. Dieu peut permettre des problèmes dans l'église. Si tu t'étais appuyé sur l'église, sur le tabernacle, tu seras désemparé. Zaika, utakosa pa kusimamia. Alléluia. Amen. Dieu des fois enlève les appuis. Dila mara Mungu anaweza kuondosha vitegemeo. Ne vous appuyez même pas sur votre papa. Usitegemea hata yule ya baba yako. Même si votre maman. Hata yule ya mama yako. Alléluia. Amen. Nous devons nous appuyer seulement sur Dieu. Tunapaswa kumtegemea paka Mungu. Dans écouter la voix. Mumahubiri. Écouter sa voix. Mumahubiri msikie sauti yake. Cette prédication de 5 octobre 1958. Maubili à 5 octobre 1958. Au point. Nukta. 99. Makumi tisa na tisa. Nous lisons ceci. Nous sommes à Ivi. Donc Esaïe, il pouvait se reposer sur le roi. Manaki Isaya alitegemea yule ya mfalme. C'est un jeune homme qui était apprécié. Alikuwa ni kijana ule walitumainia sana. Un jeune homme qui avait un très bon esprit. Kijana ule alikuwa na roho mwema. Alors le roi l'aimait. Basi mfalme alimpenda. Mais un jour les appuis lui ont été retirés. Siku moja mategemeo yake walimuondosha yo. Amen. Amen. Le roi est mort. Mufalme alikufa. C'est là nous lisons l'année de la mort du roi Uzias. Ndio pale tunasoma ya kwamba ni mwaka ya kufa kwa mfalme Uzia. On avait retiré à Isaïe les appuis. Ba Isaïe avait montosha kitegemeo. Après que le roi est mort. Kisha mfalme kufa, Isaïe a été obligé de marcher seul. Isaïe a lazimisha tembe peke yake. Alléluia. Amen. Nous devons savoir que notre marche est une marche individuelle. On a pas su kujua kwamba safari yetu ni ya upekee. Et notre seul appui, c'est Dieu seulement. Tegemeo yetu ni paka Mungu tu. Alléluia. Amen. C'est là qu'il s'est mis à regarder autour de lui. Jopalal kwana mwangalia pembeni yake. Qui s'est aperçu que tout le monde n'était pas comme le roi. Aliona kwamba watu wote hawakuwa sawa mfalme. Amen. Amen. Il a vu que tout le monde n'était pas comme le roi Ozias. Aliona kwamba watu wote hawakuwa sawa mfalme Ozia. Il était désemparé. C'est ainsi qu'il a commencé à chercher Dieu. Il a commencé à chercher l'appui solide. C'est ainsi qu'il est allé dans le temple pour prier. Parce qu'il n'avait plus d'autre appui. Alléluia. Amen. Ne vous appuyez jamais sur quelqu'un. Quand Dieu enlève les appuis, peut-être c'est votre grand frère, vous parlez même, des fois vous dites comme ça, si lui n'est pas là, nous allons mourir. Dieu peut l'enlever de la vie, pour voir où est-ce que vous allez vous appuyer. Le vrai appui, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Dans la prédication, l'influence que nous, là où nous lisons tous ces temps, au point 79, écoutez ce que le prophète dit. Ne vous confiez jamais dans un homme. Ne vous confiez jamais dans un homme. Alléluia. Amen. Peu m'importe qui il est. Qu'il soit un saint homme. Qu'il soit un bon. Ça n'existe pas, laissez-moi corriger cela. Il n'existe pas de saints hommes. Il n'existe pas de sainte église. Ça n'existe pas. Il s'agit d'un Dieu saint. Pas d'un saint homme. Il s'agit du Saint-Esprit. Amen. Une fois Pierre a fait allusion à la sainte montagne pendant... parlant de la montagne de la transfiguration. Ce n'est pas la montagne qui est sainte, qui était sainte. C'était le Dieu saint qui les avait rencontrés sur cette montagne. Ce n'est pas la sainte église. C'est le Dieu saint dans cette église. Il ne s'agit pas d'un homme saint, mais c'est du Saint-Esprit travaillant dans cet homme. Cet homme faillira. Alléluia. Amen. Est-ce que l'église a bien compris? Cet homme faillira. C'est là où les gens sont ébranlés. Quand les choses arrivent, il a un échec pour commencer. Kwanza yeye ni mwenye kushindiwa. N'importe qui. Aizuru mtu gani. Même les plus grands hommes. Hata watu wakubwa zaidi. Faiz. Beko na kotola. Ne mettez jamais votre confiance dans un homme pour faire de lui votre exemple. Usikatumaini yake mtu juu apate kwa mfano wako, hapana. C'est une grande leçon. Notre exemple ici, mufano yetu sisi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ni paka bwana wetu Yesu Kristo. Et le Seigneur Jésus-Christ, na bwana Yesu Kristo, il est la parole. Yeye ni neno. Alléluia. Amen. Nous devons suivre la voie tracée par la parole. Unapaswa kufuata njia ile neno inapasua. Alléluia. Amen. Confiez-vous en Dieu. Mungu tumanie paka Mungu. C'est Christ. Ni Kristo. Votre exemple. Alléluia. Amina. C'est pourquoi la Bible dit, cessez de vous confier dans les hommes. Esaïe chapitre 2. Isaïa sura 2. Verset 22. Musara makumi mbili na mbili. Cessez de vous confier en l'homme. Mwache kutumainia muntu. Dans les narines duquel il n'y a dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle. Mpua mule mukutupaka pumzibule. De quelle valeur est-il? Eko na bei gani? Alléluia. Amena. Ne vous confiez, cessez de vous confier dans les hommes. Mwacheni kutumainia. Même dans les prédicateurs. Hata mwaubiri. Même les prédicateurs faillissent. Hata waubiri veko na kotola. Alléluia. Amena. Dans Jérémie chapitre 17. Jérémie sura 17. Verset 5. Ainsi parle l'Éternel. Ivi wa milele anasema. Maudit. Alaaniwe. Soit l'homme qui se confie dans l'homme. Mutu ula natumaina mutu mwingine. Qui prend la chair pour son appui. Ula anachugua mwili sawa tegemeo yake. Et qui détourne son cœur de l'Éternel. Na kutosha moyo wake kwa wa milele. Au verset 7. Musari ya saba. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Abarikiwe mutu ula na mutumainie wa milele. Et dont l'Éternel est l'espérance. Na ula na weka tumaini ndani ya wa milele. Il est comme un arbre planté près des eaux. Eko sawa muti yenye upandwa kando kando ya maji. Et qui étend ses racines vers le courant. Na yenye kunyosha mizizi yake. Il n'aperçoit pas la chaleur quand elle vient. Hii mucha yesi kama ukauka wakati. Et son feuillage reste vert. Na mayani yake tabakia mabichi. Dans l'année de la sécheresse. Mumwaka ukauka. Il n'a point de crainte et il cesse de porter des fruits. Alléluia. Nous devons nous confier en Dieu. Notre appui doit être Dieu seul. Notre appui doit être le Seigneur Jésus. C'est lui le rocher solide. Alléluia. Amen. Vous voyez, munaona, ne prenez jamais un homme comme votre exemple. Usikachugu wake kamwe mtu sawa mfano yako. Oui, mon frère. Dio ndugu yangu. Oui, ma soeur. Dio dada yangu. Au point 80. Et nous trouvons qu'il a donc détourné son esprit d'Ozias, le roi qu'il aimait tant. Tunaona ya kwamba natosha roho yake yule ya mfalme Uzia. Lorsque Ozias est tombé, wakati Uzia alianguka, il a failli, il était obligé de détourner ses yeux sur Ozias. Alilazimisha toshe macho yake yule. Il a levé les yeux et a vu qu'il devait comprendre pour être un prophète. Ariondosha macho yake na kwamba apate kuelewa kama il devait comprendre pour être un prophète. Arifashi kuelewa juu apate kuwa nabii. C'est que Dieu. Kile Mungu eko. Dieu seul domine dans la vie des hommes. Mungu peke yake anatawala maisha ya watu. Et dans son église. Na mkanisa yake. C'est lui qui domine dans l'église. Ule anatawala mkanisa. C'est Dieu. Ni Mungu peke yake. Par sa parole. Kupitia neno lake. Et par son esprit. Na kupitia roho zake. Alléluia. Amen. Vous voyez, munaona, c'est très important ini ambafa kabisa, de comprendre cela. Ya kuielewa. Parce que c'est ainsi que vous voyez des gens. Kwa maana mutaona bantu. Ils prenaient seulement l'exemple sur une sœur. Alikuwa anachukua mfano yule wa dada fulani. Mais Dieu permet des choses. Lakini Mungu yuko na ruhusu vitu. Alléluia. Amen. Des fois Dieu permet des choses. Sasa zingine Mungu ataruhusu mambo yanafika. Lisons dans possédant les portes de l'ennemi. Tu sommes ma ouvri, moi n'y a aussi qu'un milango et adui. Point 35. Nous ta makumita tu natano. C'est la prédication de 8 novembre 59. Ma ouvri à 8 novembre 1959. Les hommes ne sont pas infaillibles. Batubo, avana sema avakotolake. Vous avez compris? Muna elewa. Les hommes ne sont pas infaillibles. Bantu bo, anasema bakotolake. Bantu banafanyaga nini? Les gens qu'est-ce qu'ils font? Banakotolaka. Ils sont faillibles, ils bronchent. Mais Dieu les Alakini Mungu yako tolake. Dieu est infaillible. Mungu hawezi kama ukotola. C'est pourquoi. Njo kwa mana. Ne regardez pas un homme. Ushangalie muntu. Il peut commettre des fautes. Anawezi na ukotola. Et des fois Dieu permet qu'il commette des fautes. Mara mingi Mungu yako naruhusu muntu. Pour que vous vous détournez de lui. Ushendele kumwangalia ule muntu. Si vous regardez l'homme, il commettra une erreur. Peut-être pas volontairement, mais il le fera. Alléluia. Dieu permet qu'il le fasse afin de vous détacher votre foi de l'homme. Notre foi ne doit pas reposer sur un homme. Notre foi ne doit même pas reposer sur l'église. Notre foi repose sur les promesses de Dieu qui sont écrites dans la Bible. Amen. Amina. C'est pourquoi c'est de dire, notre église, votre foi ne doit pas être sur l'église. Ou sur un prédicateur. Même s'il prêche les autres, il y a des gens qui ressuscitent des morts. Il n'est qu'un homme. Ce n'est pas lui qui ressuscite les morts. C'est le Dieu Tout-Puissant en lui qui ressuscite les morts et guérit les malades. C'est là où les gens commettent des erreurs. Au lieu de regarder au Dieu qui opère dans les prédicateurs et il commence à élever l'homme. Non! Même pas un prophète. C'est là où beaucoup de gens ont commis des erreurs. Au lieu de regarder au Dieu Tout-Puissant qui opérait dans les ministères prophétiques des frères Branham, mais ils ont regardé l'homme Branham. Et ils sont tombés. Aujourd'hui, il y a des gens qui adorent Branham. Pourquoi? Leur vision n'était pas correcte. La vraie vision, l'esprit spirituel, regarde au Dieu qui opère. Parce que les dons, c'est Dieu. Mais ce n'est pas l'homme. Vous pouvez lire ça dans Persévérer. Frère Branham dit, le don c'est Dieu qui opère dans l'homme. Mais l'homme est un homme faillible. Il peut commettre des erreurs. Alléluia. La meilleure façon de voir, c'est voir Dieu qui opère dans l'homme et glorifier cet homme là-bas. Non, glorifier Dieu plutôt au lieu de glorifier l'homme. Il n'est qu'un instrument. Mutu yeni chombo bule. Alléluia. Amena. Dieu permet qu'il le fasse. Mungu ako na ruhusu ule mtu akotole. Afin de pouvoir détacher votre foi de l'homme. Ili amitukunye imani yenu yule ya mtu. Notre foi. Imani yetu. N'est pas dans la sagesse de l'homme. Haina ndani ya hekima ya mtu. Mais dans la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Lakini kundani ya uwezo ufufuko ya Yesu Kristo. Alléluia. Amena. Vous avez compris? C'est très important. Aujourd'hui, les gens adorent mes frères Branham. Il y a des gens qui prient au nom des frères Branham. C'est une folie. Nous savons que cet homme de Dieu, Dieu a opéré d'une façon merveilleuse dans son ministère prophétique, mais ça ne fait pas de lui Dieu. Dieu est Dieu. Un prophète reste un prophète. Alléluia. Yeah. Amen. Amen. Nous ne devons pas nous confier dans les hommes. Des fois Dieu enlève les appuis. Oui. C'est ce que nous devons comprendre. Quelle est la leçon que nous pouvons tirer de cette affaire? Peu importe un homme pour être grand. Combien il pourrait être influent. Atakame kuna uvuto ya namna gani? Lorsqu'il refuse de marcher dans la lumière. Wakati ila nakatala kutembea munuru. Et d'obéir à Dieu. Na kumutii Mungu. Alors son influence est détruite. Manake uvuto yake inaharibika. Il est sorti du camp. Anatoka mukampi. Alléluia. Amen. Prenons l'exemple de Moïse. Tuchukue mfano ya Musa. Il n'y a jamais eu un prophète comme Moïse. Akuya kuya ka nabii sawa Musa. Parce que Dieu parlait face à face comme ça avec lui. Kwani Mungu alikuwa anaongea naye uso kwa uso hivi. Quand ils sont arrivés dans le désert. Wakati barifika mchangwa. Dieu lui dit. Mungu anamwambia. Parle maintenant au rocher. Wende useme na mwamba. Mais comme le peuple l'avait tellement embêté. Sa vile bantu wali mungi sana. Il s'était énervé. Alishirika. Il est allé frapper deux fois au rocher. Alienda kupiga mara mbili kumwamba. Dieu lui dit, tu m'as pas sanctifié. Mungu anamwambia, wewe hukunitakasa. Tu n'entres pas dans les cadres. Hautaingia mukanana. Tu n'entres pas. Hautaingia. Moïse a cherché à supplier Dieu. Moussa alipima kumutii. Dieu l'a emmené sous les monebo. Mungu anampeleka pamoja. Il dit, regarde le pays que que j'avais promis à vos pères. Akamwambia angalia inchi na rilaka baba zako. Moïse a regardé de loin. Moussa aliona kwa mbali. Mais Dieu, Moïse a dit à Dieu, permets-moi que... Il dit non, tu ne m'as pas sanctifié. Akamusi Mungu unirusu ninge. Ce n'est pas toi qui amènera le peuple dans ce pays. Aina wewe utapeleka babantu mu ile inchi aina wewe. Et Moïse est mort dans le désert. Na Moussa alikufa mujangwa. Ça doit amener la crainte dans nos cœurs. Inapashi kuleta boka mu mioyo zetu. Alléluia. Amen. Vous voyez? Munaona? Ce sont des grandes leçons pour nous. Ni majifunzo munene kwetu. Amen. Amen. Et nous devons savoir aussi que Dieu ordonne son homme à la place qu'il faut. Non pas que vous vous mettez vous-même à cette place. C'est Dieu qui a établi les prédicateurs. C'est Dieu qui a établi les anciens. C'est Dieu qui a établi les diacres. C'est Dieu qui t'a établi homme d'affaires. C'est là aussi un problème. Il est un mambo il y a aussi des prédicateurs. Au lieu de rester prédicateurs, ils veulent être des hommes d'affaires. Ils vont s'embrouiller là-bas. Je vais l'avoir compliqué. Ça devient compliqué. Amen. Amen. C'est Dieu qui place son homme à sa position. Et nous devons reconnaître ce que Dieu fait. Nous devons reconnaître ce que Dieu fait dans mon frère. Je dois reconnaître et respecter ça. Alléluia. Amen. C'est très important. Sinon, c'est la confusion. Kama ina vile itakuwa ni mvuruko. Regardez mes frères et sœurs. Tazameni wanduku na wadada. Un exemple biblique. Mufano moya en Biblia. C'est cet homme de Jonas. Ni huyu mtu Yona. Dieu dit à Jonas, va à Ninive. Mungu akamwambia Yona, wende kuninawi. Pour prêcher. Upate kuhubiri. Jonas refuse. Yona yeye akakatala. Lui, il part à Jaffa. Ya kaenda ku Jaffa. Il paye le prix pour aller à Tarsis. Ah, kalipa ticket juu ya kwenda ku Tarsis. Il monte dans un bateau. Akapanda pour fuir la présence de Dieu. Juu ukimbia wewe. Une pas aller prêcher. Juu ashende kuhubiri. Oh. Dieu a compliqué. Mungu le voyage. Arivurusha le safari. Il y a une grande tempête. Les gens se sont battus. Le bateau est en difficulté. Ils ont commencé à jeter leurs biens. Kutupa bitu yabo un moment le capitaine s'est dit. Mkubwa wa merikebu akasema. Ça devient compliqué. Chacun invoque son Dieu. Kila mmoja aite Mungu wake. Tout le monde a commencé à prier. Mtu wote akaanza kuomba. Jonas yeye. Lui est descendu dans en bas là-bas, il a commencé à dormir. Yona yeye akashuka chini amerekebu na kulala. Parce qu'il savait qu'il n'était pas en ordre avec Dieu. Wani alijua sema. Et lorsqu'on n'est pas en ordre avec Dieu, wakati una musawa c'est difficile de prier. Itakuia ngumu. Il faut d'abord confesser. Arranger. À ce moment-là, nous allons dans la présence de Dieu. Pale ndio taenda muwepo. Il ne pouvait pas prier. Asikuwezi kuomba. Anaenda kulala. Ile tale sandomi. Pendant kule mpepo. Yeye analala mshindi. Yabe intampete mais lui dormait. Le capitaine dit non, c'est anormal. Mukubwa américain wakasema haina sawa. Tu m'as de mourir. Voyez, tu vas kufa. Sasa wewe unaenda kulala juu ya nini? Wewe si ton Dieu. Na wewe ombe Mungu wako. Peut-être nous fera grâce. Sasa ingine atatushikira buluma. Jonas était réveillé une prière pas. Jonas alamuka ashikuombe. Ah, ils ont dit non non. Bakasema hapana. Kiroso. Tu pique kura. Ils ont tiré au sort. Bakapika kura. C'est dans les livres de Jonas. Ni mu kitabu ya Yona. Il dit c'est toi qui nous amène. Alors ça, ni wewe ndio natuletea matendo. Tu viens. Utuambie unatokea wapi? Tu es de quel pays? Uko wa nchi gani wewe? Quel peuple? Uko wa taifa gani? Où est-ce que tu vas? Unaenda wapi? Pourquoi tu nous as dit c'est malheur? Kwa nini unatuletea hii mateso yote? Je fuis la face de l'éternel. Anasema ni kuna kimbia uso wa milele. Ils ont essayé de ramer. Banapima kuvuka. Dieu Mungu n'a pas apaisé la tempête. Ashikushushe zoruba. Il dit qu'est-ce que nous devons faire? Sasa tutafanya nini na wewe? Jetez-moi dans l'eau. Akasema munitupe tu pa maji. Nikufe tu vishie. Que je meure sur la terre. Jetez-moi sur l'eau. Mais quand Dieu veut faire quelque chose avec un homme, wakati Mungu anapenda kufanya kitu na mtu, même la mort va l'éloigner. Atalufa atalupeleka mbali. Amen. Amina. Mais pourquoi Dieu n'a pas cherché quelqu'un d'autre? Dieu a nini Mungu ashikutafute mtu mwingine. Il devait même soulever la main. Alipasha hata kunyanyua bahari. Pour que Jonas aille à Ninive. Juu Jonas ende kuninawi. Parce que Dieu savait que Mungu alijua ya kwamba c'est lui qui devait prêcher. Ule alipasha kwenda kubiri. Des choses que les gens se répandent. Il n'y a plus que le ministère de Jonas. Ilikuwa ni paka utumishi ya Yona. C'est lui qui était bien équipé. Ndio alikuwa mwenye kupanga pour accomplir cette tâche. Watimize ile kazi. Alléluia. Amen. Malgré que Jonas a dit Seigneur, jetez-moi dans l'eau. À ta vie les gens, il y en a qui et on l'a jeté dans l'eau. Tout s'est calmé. Na zoruba ikati mama. Jonas a dit bon ça va, je vais mourir. Jonas a hapa nitakufa sasa. Dieu a envoyé un gros poisson. Mungu akatuma samaki munene. Il a avalé Jonas. Ikamumeza Yona. Mon frère. Ntuku yangu. Dieu. Mungu. Il est le Dieu des paradoxes. Eko Mungu wa mambo mwingi. Comment un homme peut vivre dans un poisson? Namna gani mtu ataishi ndani ya samaki? Pendant 3 jours et 3 nuits. Masiku tatu na mchana mtatu. Il est le Dieu tout puissant. Ni Mungu wa uwezo. Il est terrible. Watari. Il fait des choses qui dépassent notre intelligence parce qu'il est surnaturel. Alléluia. C'est pourquoi quel que soit votre problème, n'écrivez point. Dieu peut changer les choses. Alléluia. Quel que soit ce que les gens disent, mais Dieu, il peut changer le temps et les circonstances. Parce qu'il est El Shaddai. Le Dieu qui pompe les seins. Le Dieu tout suffisant. Mon frère, comment Jonas pouvait respirer dans le ventre du poisson. Namuna kani Yona alipumuzika mutumbo ya samaki. Plein de choses là-bas. Mwenye kuyadana na bintu mulindani. C'est pour là-bas. Mulikuwa matope. C'est pourquoi. Njo kwa mana. Nous devons croire en ce Dieu. Tunapashi kumwamini huyu Mungu. Alléluia. Amen. Et Jonas dans le ventre du poisson. Na Yona mule mutumbo ya samaki. Il a commencé à prier. Akaanza kuomba. Même si on a dit que tu ne mettras pas au monde, n'écoute pas ça. Regarde la promesse. Dieu a dit parmi mon peuple, il n'y aura pas de stérile. Alléluia. Amen. Si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Amen. Amen. Mais le grand problème, les gens croient n'importe quoi. Oh, c'est ma grand-mère qui a bouffé les enfants dans les ventres. Quelle superstition. Amen. Amen. Quelle croyance. Kuamini kwa vitu gani kule. Qui rend stérile? Nani ule anafanya kwa tata? Et qui rend fécond? Nani anafanya mtu azale? C'est Dieu. Ni Mungu ye mwenyewe. Alléluia. Amina. Et le poisson est allé vomir Jonas à Ninive. Na ile samaki kaenda kumtapika Yona kule kwa. Et il a prêché la parole. Na aliendelea kuhubiri. Il a prêché. Alihubiri. Mon frère. Ndugu yangu. Les gens de Ninive se sont repentis. Batu ya Ninawi balitubu. Alléluia. Amen. Dieu place son homme Mungu weko naweka mtu wake à la place qu'il convient. Bafazi yenye kumustahili. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. C'est ça la leçon que nous devons tirer. Je m'ajifunze le tunapashi kubeba amo. Alléluia. Amen. Les appuis ont été enlevés à Jonathan, à Esaïe. Bitegeme bari mondosha Isaïa. C'est ainsi qu'il est allé dans les temples. Je parle ça salienda mon calme. Cherchez l'appui solide. Kwenda mutafute tegemeo yanguvu. Cherchez Dieu. Mutafute il a compris. Arielewa. Quelle que soit la façon Dieu a béni quelqu'un. Aizuru namna kani mbalimbali. L'appui ça doit être seulement Dieu. Tegemeo inapashi kuwa paka Mungu. Alléluia. Amen. C'est lui notre appui. C'est en lui que nous nous confions. Que ce soit dans les voyages. Même si tu es loin. Comme les gens qui nous suivent à l'internet. Même si il n'y a pas d'église. Confiez-vous à l'éternel. Vous rassurez. Restez derrière la parole. Dieu te soutiendra. Alléluia. Amen. Amen. Amen. Le problème c'est parce que nous quittons notre position. Mambo ni juu tu kunatoka pa fazi yetu. Et quand il est entré dans le temple, wakati alingia mwekalu pour prier, Dieu a kuomba. Dieu lui a ouvert les yeux. Mungu akamfungula macho. Il regarde. Akangalia. Il voit Dieu sur son trône élevé. Akamuona Mungu mwenye kuikala pa kiti yake ya enzi ya juu. Est-ce qu'il avait vu combien de trônes? Ariona kabiti ya enzi ngapi? Un seul trône. Kiti moja tu. Il n'y a pas trois dieux. Hakuna miungu tatu. Il n'y a pas deux dieux. Hakuna miungu mbili. Dieu est unique. Mungu eko peke yake. Et il a un seul trône au ciel. Na eko na kiti yake moja enzi kumbili. Alléluia. Amen. Il a vu Dieu assis sur le trône élevé. Alimuona Mungu mwenye uketi pa kiti yake ya enzi ya juu sana. Les séraphins voler autour de lui. Wakuwa na ruga pembeni yake. Ils avaient six ailes. Walikuwa na mabawa sita. Deux ils se cachaient la face. Mbili walifunika uso. Deux ils se cachaient les pieds. Mbili walifunika miguu. Et deux ils se servaient pour voler. Na mabawa mbili walitumia jua kuruga. C'était terrible. Ilikuwa ni hatari. Tout le monde criait là-bas. Watu wote walikuwa na mabawa. Il y avait des séraphins. Il y avait des anges de milliards et de milliards. Tout le monde criait. Bote walikuwa na lalaka. Mutakatifu. C'est et l'éternel de l'homme et tout bouché au ciel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout bouché là-bas. Bote baditenka kumbingu. Qu'est-ce que Dieu montrait à Esaïe? Ninini le Mungu alikuwa anamuonesha Isaïa. Il voulait lui montrer qu'il est d'abord un Dieu saint. Alipenda kwanza kumuonesha sema yeye ni Mungu mtakatifu. Il voulait lui montrer la pureté et la sainteté de Dieu. Alipenda kumuonesha usafi na utakatifu. Mon frère, ma soeur, ndugu yangu na dada yangu. Dieu est saint. Mungu ni mtakatifu. La Bible dit, même le ciel n'est pas pur devant lui. Hata mbingu haina safi mbele yake. Alléluia. Amen. La pureté de Dieu. Usafi wa Mungu. Et sa sainteté. Na butakatifu bwake. Mais aujourd'hui c'est une honte. Sasa leo ni haya. On appelle un homme sur la terre. Banaita mtu pa dunia. Sa sainteté, ses pieds. Mutakatifu sana. C'est lui qui est saint. Mwenye kwa mutakatifu. C'est seulement Dieu. Mpaka Mungu peke yake. Alléluia. Amen. Amen. Amen. C'est merveilleux. Ni Adamani. Esaïe a vu, Dieu lui donnait des leçons. Isaïe aliona Mungu alimpatia majifunzo. Et il a vu les séraphins. Na aliona wa serafimi. Qui volaient. Bale walikuwa na ruga. Le deux faces de deux ailes. Mabawa mbili. Il se couvrait la face pour ne pas voir la face de Dieu. Balifunika uso yao ili basimuone Mungu. C'était la révérence. Ilikuwa ni heshima. Le respect. Heshima mnene. Que nous devons avoir Dieu envers Dieu. Ile tunapashwa nayo. Oui mon frère. Ya Mungu. Lorsque nous venons dans la présence wakati de Dieu. Tunakuwa muwepo. Nous devons venir avec beaucoup de respect. Tunapashwa na heshima. Alléluia. Amen. Et la révérence. Na ile heshima mingi. Nous devons respecter Dieu. Tunapashi kumheshimu sana Mungu. Respectez son peuple. Mheshimie taifa yake. Respectez son œuvre. Mheshimie kazi yake. Ce que vous voyez ici, ile mnaona hapa, ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Haina kazi ya mtu. C'est l'œuvre de Dieu. Ni kazi ya Mungu. Kama unacheza nayo, si jua la chakabra, Mungu atakupika. Tu vas dire, frère Koumbo, toi tu es venu seulement pour que Dieu frappe les gens. Non, nous sommes en train de vous enseigner comment nous devons agir. Mais les gens n'ont pas peur. Une fois j'étais allé prêcher en Afrique du Sud. Quelqu'un qui n'était ni pasteur, ni diacre, un dimanche, il est venu, il a dit, frère Koumbo, aujourd'hui tu ne prêches pas. Il a bloqué la prédication. Ça, c'est ne pas avoir le respect dans les choses de Dieu. Si un prédicateur qui est à plusieurs kilomètres, il paye les billets d'avion. Et toi, tu arrêtes, même s'il y a des problèmes dans l'église. Laissez la parole de Dieu être prêchée. Allez régler vos problèmes dehors. Alléluia. Amen. On ne se moque pas de Dieu. Mungu. Nous devons respecter Dieu. Mungu. Respecter son œuvre. Respecter son peuple. Taifa ya. Alléluia. Amen. Vous venez, unakuya je ne sais pas d'où, kama unatokea wapi, et tu viens, tu divises l'église, unakuya, tu amènes les gens avec toi, unabeba bantu, c'est manque de la révérence envers Dieu. Il est ni kukosa kwa na heshima mbele ya Mungu. C'est manque de le respect de l'œuvre de Dieu. Kukosa kwa heshima kazi ya Mungu. On ne s'amuse pas avec l'œuvre de Dieu. Amuse-toi avec ton corps. Amuse-toi avec ton argent. Amuse-toi avec tes affaires. À ce qui concerne l'œuvre de Dieu. À ce qui concerne Dieu. Et sa parole. Na nous devons avoir du respect. Alléluia. Amen. C'est ce que Dieu voulait enseigner à son prophète. C'est ce que les séraphins faisaient. C'était la révérence devant Dieu. Amen. Amen. Les autres ailes, ils couvraient les pieds. C'était l'humilité devant Dieu. Je crois hier, nous en avons parlé assez. Alléluia. Amen. L'humilité devant Dieu. Dans sa présence. Nous devons être humbles. Mais pas quand on prêche. C'est moi qu'on a prêché, tu t'en vas. Même si c'est... Mais écoute un peu. Nous prêchons qui ici? Tu n'as oublié nani hapa. Nous vous prêchons, nous. Si je venais, la salle est vide, je vais prêcher. Quand nous venons ici, c'est pour que Dieu nous parle. Des fois, Dieu révèle les secrets cachés dans nos cœurs. Moi, je ne vous connais pas. Tu vas peut-être penser que le pasteur m'a parlé. Mais le Saint-Esprit, qui t'aime, qui veut que tu changes, il peut te parler directement. Mais toi, Satan te prend, tu te fâches, et tu sors. C'est manque de respect. Et manque d'humilité devant la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et les deux zèles, ils se mettaient en action. Na mabawa mbili walikuwa natumika nayo. Les deux zèles. Mabawa mbili ilikuwa natumika, ilikuwa na vuruga. Pour servir Dieu. Dieu a kutumikia Mungu. Dieu exige la révérence. Mungu analazimisha heshima. Le respect. Heshima mkubwa. Respecte Dieu. Umheshimie Mungu. Respecte son œuvre. Umheshimie kazi yake. Respectez son peuple. Weshimie taifa yake. Respectez ses serviteurs. Weshimie batumishi yake. Amen. Amina. Nous ne sommes pas comme des dénominationnels. Sisi hatuna sawa watu wa zebu. qui portent de grosses croix. Même nos pasteurs, nous mangeons avec eux. Et ils ne font pas vous habituer aux serviteurs de Dieu. Alléluia. Amen. Et il faut toujours savoir qu'ils sont serviteurs de Dieu. Peut-être à force de vivre avec eux, ils commencent à voir même leur faiblesse. Faites attention. Alléluia. Amen. Ils sont toujours serviteurs de Dieu. Alléluia. Amen. Même si c'est ton mari. Ataka ni bwana yako. En dehors qu'il soit ton mari, vous devez le respecter comme serviteur de Dieu. Alléluia. Amen. C'est ce que Dieu enseigne à son prophète. Jo kile Mungu alimfundisha nabii wake. Et les deux ailes pour couvrir les pieds, c'était l'humilité. Na mabawa mbili ile ilifunika miguu ni jua kuonesha unyenyekevu. Vous voyez, munaona. Qu'est-ce que Dieu montra à Isaïe pour qu'il le voit? Ni nini Mungu alimuonesha Isaya wakati aliona vile? Sa sainteté. Il a, wakati aliona utakatifu wake. Sa pureté. Usafi wake. Et la révérence que nous devions avoir dans sa présence. Na heshima ile tunapaswa kuwa nayo muwepo wake. Alléluia. Amen. Et si nous avons la révérence, kama tukuna heshima mkubwa, et nous avons l'humilité, na tukuna alors à ce moment-là, basi, on peut se mettre en action. Tunawezi sasa kumtumikia. Un serviteur de Dieu que Dieu a préparé, mtumishi wa Mungu ule Mungu alitaka, Dieu exige qu'il ait la révérence, Mungu anamulazimisha kuwa na heshima, et l'humilité, na kuwa na unyenyekevu, alors il peut servir Dieu. Pale ndio anaweza kumtumikia Mungu. Alléluia. Amen. C'est très important. Niyamafa kabisa. Amen. Amina. Et quand Esaïe voit ça, wakati Isaïe aliona ile, Esaïe, il était prédestiné à être prophète. Isaïe, Mungu alitangulia kumuweka kuwa nabii. Parce qu'un prophète, il est né prophète. Kwani nabii anazaliwaka nabii. Le don. Mazawadi. On est avec les dons. Tunazali on waka, est né avec les dons. Tunazali waka na mazawadi. Amen. Amina. Il voyait des visions. Alikuwa anaona maono. Il était dans le palais du roi. Alikuwa mnyumba ya mfalme. Maintenant, lorsqu'il se retrouve dans la présence de Dieu, hata wakati alipatikana mwepo wa Mungu, quand il voit la sainteté de Dieu, wakati akaona mtakatifu, la pureté de Dieu, na kuona usafi, la révérence que les anges et les séraphins avaient envers Dieu, et l'humilité qu'ils avaient devant Dieu, unyenyekevu walikuwa nao mbele, il s'est vu pécheur, alijiona kwa mtenda dhambi, il s'est écrié, alilalamika, je suis perdu, oh mimi napotea. Je suis un homme dont les lèvres sont impures, qui habite parmi le peuple dont les lèvres sont impures. Il dit, mais je vis l'éternel. Je suis perdu. Oui, dans la présence de Dieu, nous nous sentons petits. Alléluia. Amina. Même quand nous prions, hata wakati tunaomba, qu'est-ce que je peux présenter devant Dieu? Ni nini tamonesha Mungu? Quelle bonne œuvre, bonne œuvre que je peux présenter? Ni tendo gani nzuri tamonesha Mungu? Parce que ma justice c'est un habit souillé. Wani uwaki wangu ni nguo tu ya buchafu. Alléluia. Amina. La seule chose que nous présentons devant Dieu, lorsque nous allons à sa présence, c'est le sacrifice sanglant de Golgotha. Alléluia. Nous nous sentons indignes. Nous nous disons, Seigneur, regarde-moi au travers de ton sang. Je ne suis pas digne de me tenir devant toi. Alléluia. Mais que le sang de l'agneau qui a coulé au calvaire, me couvrir. Nifunika. Alléluia. Amen. Nous nous sentons petits. Tuna jona kwa wadogo sana. Dans la présence de Dieu. Muwepo wa Mungu. Nous nous sentons indignes. Tuna jona basipa kustahili. Alléluia. Amen. Et un des séraphins, il a volé. Il est allé sur l'autel. Il a pris une pierre. Il est allé lui brûler les lèvres. Il dit, regarde. Je te brûle les lèvres. Je te purifie de ton péché. Ton péché est expié. Alléluia. Amen. Amen. Amen. C'est seulement après cela Nikisha tout il est que Isaïe pouvait maintenant aller servir Dieu. Je parlais Isaïe ça, ça riwezi kwenda mutumikia Mungu. Après avoir été purifié. Isaïe yeye kutakasiwa. Après que son iniquité a été enlevée, kisha uovu yake kuondoka, et que son péché a été expié, na kisha zambi yake kuondolewa, alléluia, amen. Et nos péchés ont été expiés à Golgotha. Zambi yetu iliondoka kule ku Golgotha. Alléluia. Amen. C'est là où Jésus a porté nos péchés. Jo kule Yesu alichukua zambi zetu. C'est là où le péché a été expié. Jo kule zambi yetu iliondoka. Par la grâce de Dieu, nous avons reçu le pardon. Et la réconciliation au travers du sang de Jésus-Christ. Et Dieu devait d'abord purifier ses lèvres. Amen. Amen. C'est alors quand Dieu crie. Wakati unalalamika. Qui enverrons-nous? Qui marchera pour nous? Qui enverrai-je? Mungu anasema ni nani ule ntatuma? Qui marchera pour nous? Nani ataenda pafasi? C'est alors que Isaïe pouvait dire. Ndio pale Isaïe huwezi kusema. Envoie-moi. Mi huyu nitume. Alléluia. Amen. C'est la seule façon de servir Dieu. Ndio namna tu mmoja kumtumikia nayo Mungu. Et tu ne peux pas servir Dieu. Na huwezi kumtumikia Mungu. Si tu n'as pas fait l'expérience de Golgotha, kama ukufanya ile onjo ya Golgotha, et que tu n'as pas été scellé du Saint-Esprit, na kama ukutiwa na muhuri ya Roho Mtakatifu, et que tu t'es tenu devant Dieu, na kama ukusimame mbele ya Mungu, comme Moïse s'est tenu devant Dieu dans le désert, paka vile Musa alisimama mbele ya Mungu mujangwa, dans la présence de Dieu, Dieu lui a parlé. Il enlève tes souliers. Il est tombé par terre. Et quand Dieu lui a dit, va, délivrer mon peuple, il a dit, je suis incapable. Un vrai serviteur de Dieu ne se sent jamais capable. Lorsque vous vous sentez capable de servir Dieu, Dieu ne peut pas t'utiliser. Alléluia. La seule façon pour que Dieu t'utilise, il faut que tu fasses de ton cœur. Tu dis, Seigneur, je suis incapable. Alors, Dieu prend la place. Ndio pale Mungu atachukua fazi. Il peut en ce moment-là agir. Anawezi sasa kutenda. Alléluia. Amina. Mais si vous pensez, kama unawazia unatania, aujourd'hui, mi leo, tenda kubahubiri, je vais le prêcher, bataona, il fait bantu yako, ce sont tes sujets à toi ou quoi? Bantu wa Mungu. Ou bien les sujets à Dieu. Dieu ne peut pas agir. Mungu hawezi kutenda. Alléluia. Amina. Un vrai serviteur de Dieu. Il a même la crainte de se semer devant l'église pour prêcher. Dans son cœur, il a la crainte. Amen. Il se sent incapable. Alors quand vous vous mettez de côté, alors Dieu entre en scène et Dieu peut t'utiliser. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu anibariki. Et vous là, kama ni mapenzi ya Mungu, pourra continuer demain. Tutaendelea kesho. Vous aimez le Seigneur? Et tu m'en prends d'abord, non? Vous aimez sa parole? Munapenda neno lake? Soyez bénis de l'Éternel. Mubarikiwe na wa milele. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Croyez à la parole. Mwamini neno la Mungu. Obéissez à la parole. Si neno. Vivez la parole. Mwishi neno. Dieu vous bénira. Mungu atabibariki. Alléluia. Amen. Nous serons un grand peuple. Tutakuwa taifa ya nguvu. Nous serons une grande armée. Tutakuwa jeshi ya nguvu. Pour agir. Ya kutenda. Mais soyons toujours respectueux. Alakini tukuwe ba heshima. Respectez Dieu. Mheshimu Mungu. Respectez son peuple. Mheshimu taifa yake. Respectez son œuvre. Mheshimie kazi yake. Respectez ses serviteurs. Mheshimie watumishi yake. Marchons dans l'humilité. Tutembe katika unyenyekevu. Alors nous pouvons agir. Pale ndio tunaweza. Et Dieu peut se manifester. Na Mungu anaweza kuonekana. Mungu amibariki. Tout à fait.